pour la Saint-Valentin. Écrit et narré par Mia, alias Mia QC. Quand ma petite amie Ayanami-chan me demande ce que je veux pour la Saint-Valentin, je lui réponds qu'un simple baiser suffit.